Hulot revint chez lui, marchant en furieux, se parlant à lui-même, et trouva sa famille faisant avec calme le whist à deux sous l'affiche qu'il avait vue commencer. En voyant son mari, la pauvre Adeline crut à quelque affreux désastre, à un déshonneur. Elle donna ses cartes à Hortense et entraîna Hector dans ce même petit salon où, 5 heures auparavant, Crevel lui prédisait les plus honteuses agonies de la misère. « Qu'as-tu ? » dit-elle, effrayée. « Oh, pardonne-moi, mais laisse-moi te raconter ces infamies. » Il exhala sa rage pendant 10 minutes. « Mais mon ami, répondit héroïquement cette pauvre femme, de pareilles créatures ne connaissent pas l'amour, cet amour pur et dévoué que tu mérites. Comment pourrais-tu, toi, si perspicace, avoir la prétention de lutter avec 1 million ? Chère Adeline, s'écria le baron en saisissant sa femme et la pressant sur son cœur. La baronne venait de jeter du baume sur les plaies saignantes de l'amour-propre. Certes, ôter la fortune au duc d'Hérouville, entre nous deux, elle n'hésiterait pas, dit le baron. Mon ami, reprit Adeline en faisant un dernier effort, s'il te faut absolument des maîtresses, pourquoi ne prends-tu pas, comme Crevel, des femmes qui ne soient pas chères, et dans une classe à se trouver longtemps heureuse de peu, nous y gagnerons tous. Je conçois le besoin, mais je ne comprends rien à la vanité.